Bonsoir, je suis Fréquence BD. Mais pas du tout, c'est Bob Lennon. Discute pas, Billy. Accroche-toi pour des bulles et des ondes dès maintenant. Oh, trop de bulles, trop d'ondes. Fréquence BD. Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée tous les premiers vendredis du mois sur Fadjet. Et je vous souhaite une très bonne année. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, de nous avoir rejoints dans cette émission sur la bande dessinée tous les premiers vendredis du mois. Et aujourd'hui, pour vous souhaiter la bonne année, je ne suis pas seul. Je suis avec le grand et le magnifique Gabriel. Bonsoir, comment ça va ? Bonsoir, donc ça va. Et bonne année à tout le monde. Alors, dis-moi, Gabriel, comment ça s'est passé ton nouvel an ? Eh bien, super. Ça va ? Il n'y avait pas trop de monde ? Raclette ? Oui. Bah, t'as fait un très bon choix pour la raclette. Moi, de mon côté, je n'ai pas eu cette chance, tu vois. Ah mince. Parce que mes invités étaient tous malades. Voilà. Ah. Donc, ils avaient tous une grosse fièvre et j'ai passé la soirée à m'occuper d'eux. Voilà. Ah. Ouais, j'ai fait soirée hôpital, quoi, tranquille. Mais à distance. Enfin, voilà, c'était pas l'éclate. Mais ils auraient pu faire comme moi et attendre le début d'année pour être là. Bah, c'est ça, mais du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la nouvelle année le 2. Voilà, tant qu'à faire. C'est sympa, voilà. T'as vu, on est des malins. Les voisins nous ont regardé bizarre, mais quand même. Enfin, bref. Bonne année. Bonne année, c'est le 2. Bonne année. Enfin, bref, nous sommes là, donc, pour passer un peu de temps avec vous. Nous avons une heure devant nous, une heure à discuter, une heure à découvrir des choses. Et le programme, le thème, la thématique de cette nouvelle année, est-ce que tu peux nous la dire, Gabriel ? Eh bien, c'est les événements qui vont se passer tout au long de cette année 2022 qui concernent la bande dessinée. Voilà. En région, notamment. Et oui, on va parler également de la région. D'ailleurs, la région, c'était un thème que m'avait soufflé Marie, qui, comme vous le remarquez, n'est pas là aujourd'hui. Elle est submergée par ce qu'on appelle les partiels, quelque chose de mystique qui attaque les étudiants. Voilà. Donc, on lui souhaite un bon courage pour ses études. En attendant, je te propose de partir à la découverte des sorties de ce mois-ci. Il y en a pas mal de nouvelles séries qui commencent. Ce qui était assez difficile de faire un choix, parce que vu qu'il y a énormément de nouvelles séries qui commencent, bah, c'est difficile de parler de tout. J'en ai tout de même fait une sélection, et on va voir ce que ça donne. Ouh, Fréquence BD. Alors, la première sortie que j'ai sélectionnée, c'est la Brigade Chimérique Ultime Renaissance de Lehman Serge, De Canva et Stéphane Lou. Est-ce que tu connais la Brigade Chimérique ? Non. Eh bien, la Brigade Chimérique, c'est une BD qui est sortie il y a 10 ans maintenant. Et en fait, la Brigade Chimérique Ultime Renaissance, c'est en fait un one-shot qui va faire la suite de cette histoire qui s'était terminée il y a 10 ans. Et en fait, ça va apporter des réponses sur la bague d'un soldat inconnu qui était en fait visible dans le plan final de la série, à la base. Et en fait, c'est une histoire qui se passe dans un monde post-Seconde Guerre mondiale où en fait, ne se battaient pas des soldats, mais des sortes de surhommes qui ont amené à la disparition du super-héros dans l'imaginaire collectif. Et ça parle aussi de la montée du nazisme qui utilisait des super-soldats en tant que propagande. Bref, c'est une sorte de mélange entre science-fiction, histoire et complot. Et donc, ce one-shot, donc la Brigade Chimérique Ultime Renaissance, est sorti le 5 janvier, donc il y a 2 jours. Donc voilà, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ça a l'air intriguant. Ouais, et puis les dessins... C'est quoi, c'est français, c'est... Il me semble que oui. Donc au belge, en tout cas, c'est pas comics ou manga. Ah putain, tu me poses une colle, il me semble que j'avais vu que ça se rapprochait plus du comics que de la BD. Je vais faire une petite recherche tout de suite, hein, évidemment. En direct, La Brigade Chimérique, une série de bandes dessinées françaises, voilà. Et de genre radio-punk fantastique, ouais, si tu voulais vraiment toutes les précisions. C'est pas comment ça en France Ouais, mais je me suis dit, pourquoi pas, c'est pas quelque chose que je lirais, mais je me dis que ça peut plaire. D'accord. Ouais. Alors ensuite, c'est le genre de choses qui me plaît beaucoup. Et ben voilà, bah tu sauras quoi prendre. D'ailleurs, pour rester un peu dans le thème de la guerre, parce que la guerre c'est rigolo, je trouve, pour un début d'année, je te propose le tome 1 de La Compagnie Rouge de Poncio, qui est sorti également le 5 janvier. Donc La Compagnie Rouge, non, ça ne va pas parler de communistes. En fait, ça se passe dans un monde futuriste où en fait les guerres se font être des robots dirigés à distance. Et en fait, c'est devenu une sorte de divertissement. Maintenant, les gens, ils aiment bien se faire la guerre entre eux, mais avec des robots, parce que c'est marrant, il y a des explosions et tout. Et en fait, on va suivre l'aventure de Flint. C'est un petit gars qui souhaite rejoindre la Compagnie Rouge. Qui est une compagnie de pilotes de robots. C'est ça, enfin, qui est censée être une compagnie qui s'amuse à faire des combats de robots. Mais est-ce qu'ils font vraiment des combats de robots? Voilà, mystère et boule de gomme. Donc la Compagnie Rouge, le 5 janvier. De même, est-ce que tu connais le cycle d'Aldébaran de Léo? Oui. Eh bien, Aldébaran. Oui, d'Aldébaran, oui, excusez-moi, j'ai un accent de merde. Donc le cycle d'Aldébaran, initié en 1994, quand même. Et donc, tu sais, bah, c'est un des, on va dire, un pilier de la science-fiction française, où on suit l'aventure de Kim Keller, tu sais, qui est né sur une colonie terrienne sur une autre planète, et qui va aller de planète en planète, découvrir plein d'espèces rigolotes, etc., etc. Et justement, sort le 21 janvier une nouvelle série de la suite des aventures de Kim Keller. Ça va s'appeler Neptune. D'accord. Et en fait, ça se passe 3 ans après les événements de Retour sur Aldébaran, qui était sorti. Aldébaran, excuse-moi. Qui était sorti en 2020, il me semble. Le dernier tome était sorti en 2020. Et en fait, si tu veux, il y a un problème au niveau de Neptune, parce qu'il y a un vaisseau alien qui y stationne et qui a kidnappé des humains. Enfin, apparemment. Forcément. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va enfin avoir une intrigue sur une planète du système solaire, ce qui n'était encore jamais arrivé dans cette saga. Donc voilà, je me suis dit, ça peut être sympa, parce que moi, j'aime bien les cycles d'Aldébaran. Je sais pas c'est quoi ton avis là-dessus, mais... Ah, j'ai jamais osé m'y plonger. C'est assez dense, c'est sûr que... Ouais. Mais t'as de la chance, parce qu'il y a des intégraux qui ressortent récemment, enfin régulièrement, donc tu peux rattraper ton retard pour pas trop cher. Et puis si t'aimes la science-fiction, c'est idéal. Faut juste s'accrocher un peu au style de dessin, qui est une sorte de mélange entre le réalisme... Enfin voilà, c'est un style de dessin assez particulier, les personnages sont assez inexpressifs. Qui est des fois laid, aussi. Oui, voilà. C'est... Pour en avoir lu. Oui, bon, c'est pas le meilleur des styles, mais voilà. L'histoire reste assez... En tout cas, pour le personnage, après les décors et tout. Oui, les décors sont très bien, mais quand je dis que les personnages sont inexpressifs, c'est que, ouais, ils se ressemblent un peu, parfois, ils tirent tous la gueule, mais ça reste quand même une très bonne série, avec pas mal de théories qu'on peut faire. Enfin, toujours dans les sorties BD que je développe un peu, est-ce que t'es déjà allé dans une librairie récemment et au niveau de la caisse, quand tu t'apprêtes à payer, tu vois des petits livrets, des petites BD de 4-5 pages sur le côté, qui coûtent 3 euros. Oui, ça m'est déjà arrivé. Oui. Eh bien, figure-toi que Trondheim, le 14 janvier, nous régalera de deux nouveaux mini-récits utilisant les personnages de Richard et de Lapineau. Ça va s'appeler Sous le trottoir, et le second, ça sera Ultra Secret. Donc deux nouvelles petites aventures, et pour les avoir lues, bah, celles qui étaient déjà sorties avant, c'est super drôle. Et puis ça coûte pas cher. Parce que quand tu m'as parlé de ça, je pensais direct à Lewis Trondheim, puisque c'est les seuls BD, entre guillemets, de ce format, enfin, c'est des BD, du coup, que j'ai lus. Mais c'est parce qu'il est surtout connu pour avoir fait plein de petits trucs comme ça, mais sinon, c'est toute la maison d'édition, l'association, en ce moment, qui s'amuse à faire des petits récits comme ça. Mais moi, je retiens que Trondheim, parce que j'aime Trondheim, c'est tout. Là, t'as bien raison. Et ensuite, dans En Vrac, on a le tome 2 de Allons Enfants, donc Allons Enfants qu'on avait déjà parlé lors du reportage de Pierre Fouillet à la Foire du Livre, car c'est lui qui avait scénarisé le tome 1. Il y a l'intégrale tome 5 de Tiff et Tondu, voilà, pour les fans de Tiff et Tondu. Personnellement, je n'ai jamais lu, mais voilà, on sait jamais. Il y a également le tome 1 du Roi Louve qui sort ce mois-ci. Le Roi Louve, c'est l'histoire d'un monde imaginaire où c'est un peuple loup et un peuple humain. Et le peuple loup, il change de sexe tous les mois, une connerie comme ça. Et justement, le futur roi ne veut pas être roi, mais préfère être reine et ça fout le boxon. Et également le tome 19 de Jeanne des Armoises. Et pourquoi pas le tome 6 de West Legend. Voilà pour ma sélection du mois de janvier. Est-ce que toi, tu en as, Gabriel? Bien, j'ai une BD que j'aimerais conseiller, en tout cas, annoncer, sortie. C'est Wawa, de Charles Berberian. Wawa? Wawa. D'accord. Et c'est éditions exemplaires, donc les éditions de Mario Montaigne. De Mario Montaigne, qu'est-ce qu'on raconte, de Lisa Mandel, pardon. Oui, de Lisa Mandel. Et c'est comment dire ça, une BD qui est composée d'un échange de récits entre donc Charles Berberian et Michelle Strandjovski, qui est une autrice libanaise. Et en fait, ils s'échangent sous forme de BD, un petit peu comme des lettres qu'ils ont pensées de l'année 2020-2021. Quoi. D'accord, un peu format épistolaire, mais en... avec des cases et des bulles. Voilà. Ouais, c'est vachement intéressant, tu vois. Notamment en parlant du Liban. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour Waha, Wawa. Pour ta propose. Waouh. C'est Wawa ou c'est Waouh? C'est Wawa. Wawa, ok. Pas se tromper. Ah, la discussion. W-A-H, W-A-H. La discussion de malade, quoi. Enfin, bref, dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir proposé ça. Juste avant de passer à la suite, on va parler des événements de l'année. Et toi, tu as des choses à nous dire, et moi aussi, ça m'arrive parfois. Je te propose d'écouter une chanson du célèbre groupe corésien Les Humeurs Cérébrales, qui s'intitule La Route du Rhum. Une chanson qui nous rappelle que boire pour s'amuser, c'est bien, mais que boire trop, c'est un peu triste. Le tout sur un fond musical vachement sympathique. Je vous laisse découvrir ça tout de suite sur Fadjet. Lève ton verre, lève ta pinte de rhum. Regarde, tu peux être fier, t'en as versé sur personne. Lève ton verre, lève ta pinte de rhum. Regarde, tu peux être fier, pourtant je te jure t'en tiens une bonne. Yeah. Viens avec nous, reste pas tout seul. Prends donc la place de celui qui dort. Tu dois avoir bien des soucis, vu tes yeux rouges, tes joues mouillées. T'inquiète, ici c'est une pharmacie. Prends donc une pente, on parle après. Lève ton verre, lève ta pinte de rhum. Regarde, tu peux être fier, t'en as versé sur personne. Lève ton verre, lève ta pinte de rhum. Regarde, tu peux être fier, car là je te jure t'en tiens une bonne. Lève ton verre, lève ta pinte de rhum. Regarde, tu peux être fier, t'en as versé sur personne. Lève ton verre, lève ta pinte de rhum. Regarde, tu peux être fier, car là je te jure t'en tiens une bonne. Alors dis-nous, qu'est-ce qui te tracasse, qu'est-ce qui t'a ramené jusqu'ici? Qu'est-ce qui fait qu'une grosse brutasse a tes yeux couleur fruit confit? J'parie que c'est encore une fille qui t'a laissé seule dans l'histoire. Laisse-moi te rassurer mon ami, des mecs comme toi y'en a plein de comptoir. Lève ton verre, lève ta pinte de rhum. Regarde, tu peux être fier, t'en as versé sur personne. Lève ton verre, lève ta pinte de rhum. Regarde, tu peux être fier, car là j'te jure t'en tiens une bonne. Lève ton verre, lève ta pinte de rhum. Regarde, tu peux être fier, t'en as versé sur personne. Lève ton verre, lève ta pinte de rhum. Regarde, tu peux être fier, car là je te jure t'en tiens une bonne. Voilà le sourire qui revient. J'aimerais que tu ne l'oublies jamais, pour les prochains coups du destin, pour les prochaines histoires ratées. Et si jamais tu te rappelles plus et que t'as besoin de réviser, sache qu'on sera là, posé sur nos culs, et qu'avec nous tu peux chanter. Lève ton verre, lève ta pinte de rhum. Regarde, tu peux être fier, t'en as versé sur personne. Lève ton verre, lève ta pinte de rhum. Regarde, tu peux être fier, car là je te jure t'en tiens une bonne. Lève ton verre, lève ta pinte de rhum. Regarde, tu peux être fier, t'en as versé sur personne. Car là je te jure t'en tiens une bonne. l'heure de la bande dessinée. Vous êtes de retour sur Fréquence BD, votre émission BD sur Fadjet. Vous venez d'écouter La Route du Rhum du groupe corésien Les Humeurs Cérébrales. Est-ce que tu as aimé, Gabriel? Oui. Eh bien, mais tant mieux. Voilà, je suis content. Tu es sûr de toi, en tout cas. Ça, on ne pourra pas te le reprocher. Alors, on va parler des événements BD de cette année. Et alors, c'est pas facile. Disons que ça a été compliqué. Parce que cette année, comme les deux années précédentes, et ça fait bizarre de dire ça, parce que il y a deux ans, autant Fréquence BD commençait, mais le Covid avec, c'est un peu triste quand on y réfléchit. Et bien en fait, si tu veux, il n'y a pas beaucoup d'événements cette année, pour l'instant, parce que les gens sont un peu frileux de donner des dates, et s'il y a des dates, c'est probablement, si tout va bien. Voilà. Comme par exemple le festival d'Angoulême, le fameux, qui aurait dû se dérouler du 27 au 30 janvier, mais qui a de fortes chances d'être décalé en mars ou en avril, ce qui a fait quand même pas mal de décalage. Et tu m'avais dit que ça n'avait fait râler quelques-uns. Eh ben oui, parce que ça... Alors, au premier abord, on pourrait se dire, bon, c'est que quelques mois, finalement. C'est vrai, on pourrait se dire ça. Le problème, c'est pour les libraires et pour les éditeurs. Qui étaient tout contents de pouvoir présenter leur nouveau livre en janvier et qui vont se retrouver du coup avec toute une pile de livres qu'ils n'ont pas pu présenter au public à l'occasion du festival d'Angoulême et qu'ils vont devoir soit faire passer à la trappe, soit en faire passer d'autres pour pouvoir les présenter en mars. Enfin, oui, surtout qu'on rappelle que la majorité des sorties, des nouvelles sorties, des nouvelles séries commencent en janvier. Donc, ouais, j'avais pas pensé sous cet angle-là qu'effectivement ça pouvait. Un peu, foutre le seum, mais plutôt dans le sens... tu vois, c'est un peu... Quel jeune. Tu vois, là, je suis un jeune, tu vois, non, mais plutôt dans le sens, oui, je comprends que ça puisse faire ronger son frein. C'est mieux, là, comme ça. Oula. Là, c'est quel vieux... Entre deux. Entre les deux. Bref, ça fait chimou. Bref. Alors, il y a d'autres informations là-dessus? Alors ça, c'est pour les éditeurs et les libraires, mais sans parler aussi des jeunes auteurs qui... avaient peut-être pour la première fois l'occasion d'être au festival d'Angoulême et qui vont se retrouver encore plus invisibilisés par le fait qu'ils ne seront pas. Non mais tout à fait. Puis d'ailleurs même, rappelle-toi le festival du livre de Brive, je n'ai pas trouvé d'informations pour cette année. Donc même à Brive, tu te rends compte? Même à Brive, alors, c'est cher. Mais oui, alors qu'ils étaient tellement confiants l'année dernière. Mais rassurez-vous, je suis parti à la recherche de tous les événements bande dessinée qui pouvaient avoir en France cette année. J'ai eu du mal, mais j'en ai trouvé quelques-uns, et là j'en ai pas trop trouvé dans la région Grand Est. Mais on va se débrouiller. Je te propose le festival La Vie en Bulle. Ça se déroulera du 5 février au 6 février à Sainte-Hélène en Bretagne, donc pas là où est mort Napoléon. Et en fait, mais non, je pensais que ça serait sur une île. C'est bien de le préciser. Mais voilà, moi aussi je pensais que c'était à Sainte-Hélène, on lui a crevé le bidon, je sais plus c'est quoi la chanson. Dans tous les cas, c'est un festival qui est organisé par l'association LAPACH, qui veut dire la petite association culturelle hélénoise, et c'est sa première édition, et ce festival est spécialisé dans la BD qui parle de vrais événements qui se sont réellement déroulés. D'accord. Voilà, donc BD historique, BD... de mémoire, BD de témoignages, tout ça, quoi. Pas de place à la fiction, parce qu'on est dans un monde dur, tu vois. Pas de place à la rêverie. C'est ça, c'est... Bon, ici, on rêve pas, on rote du sang. Bref, j'exagère un petit peu, évidemment. Alors, donc... Effectivement, quand je regarde les BD qui sont affichées... En... Alors, tu peux donner quelques titres internet, oui, alors il y a Bugalette Braise, voilà, qui m'a l'air d'être sur la Bretagne, peut-être sur la difficulté pour les pêcheurs de maintenir leur activité. Oui, surtout que c'est vachement d'actualité, parce que tu sais, alors là on rentre un peu dans la politique, mais tu sais, avec le fait que l'Angleterre s'est barrée de l'Union Européenne, ça pose d'énormes problèmes pour la pêche, pour Bretons et Normands, oui. Parce que les zones qui étaient auparavant communes pour la pêche, le sont moins maintenant. Donc, oui. D'accord, donc il y a des BD sur les problèmes de pêcheurs. Il y a une BD sur l'énigme Gavrinis, qui a l'air d'être sur des vélos. Alors, je fais un travail journalistique pitoyable parce que je regarde juste les couvertures. Hein, mais... Non, non, mais écoute, la couverture, c'est un premier message qui est transmis. Enfin voilà, Ouais. donc pour un festival qui sent bon le beurre et le sel, Sainte-Hélène en Bretagne du 5 février au 6 février. Sinon, on va se déplacer un peu plus dans les terres. Je te propose d'aller à Tours pour la 6e édition du Japan Tour Festival. Ça se déroulera du 18 février au 20 février. Et comme tu t'en doutes, au nom, c'est un festival spécialisé dans les mangas et la culture japonaise. Voilà. Super. Donc, un festival où je vois sur la page d'accueil des gens cosplayés, très jolis d'ailleurs, c'est très très beau. Donc voilà, il n'y a pas que de la BD, il y a l'air d'avoir également des cosplays. Ça Ça passe. a même l'air d'être très très mis en avant. Oui. Ça se passera au Parc des Expositions de Tours, voilà, tout le week-end, le 18, 19 et 20 février 2022. Tours, qui est une ville assez sympathique, avec des très beaux parcs, donc même si vous voulez juste y passer dans le coin, je recommande. T'es déjà allé à Tours ou pas? Non, je n'y ai jamais fait de tourisme. Ah! Arrête, ils font. C'est un jeu de mots qu'il y a sur l'office de tourisme de Tours. Venez faire du Wow. tourisme, c'est terrible. Bah, comme quoi, je ne peux pas aller chercher loin. Non, non, mais bon, voilà, la ville de Tours, donc le 18 février. Sinon, je te propose de continuer notre tour de France, mais bon, on va pas aller très très loin. On va aller à Quimper pour la 10e édition du festival Pen Art BD, le 12 mars au 13 mars. Et donc, ça sera un festival sur le thème de la mer. Super, des BD en rapport avec la mer. C'est ça, donc des BD avec des bateaux, des corsaires, des pirates, des paquebots, des avions, des hydravions, des Charles de Gaulle mais le bateau, des frégates, plein de trucs comme ça qui sont sur la flotte ou qui sont au-dessus de la flotte ou peut-être même sous la flotte. Donc pour tous les amoureux de l'eau et surtout de la mer, ça se passera à Quimper. Voilà, le 12 mars. Bah c'est Est-ce que tu aimes la mer? beaucoup. Eh bien, tu sais où En aller? l'occurrence, c'est même le CERN, non? Quimper, c'est où déjà? Je suis naze en géographie, moi. Quimper, je sais pas. Peut-être la Voilà. mer du Nord. On est les pires. Ça... Bah, on habite à exactement l'opposé. Enfin, Attends. Recherchons en direct. Là, tout le monde nous... Ah, ok, Quimper, c'est là. Ouais, c'est l'océan Atlantique. Ouais, on n'est pas loin de la... On n'est pas loin de la... On est dans la Bretagne. Pourquoi tous les événements se font en Bretagne cette année? Bon, d'ailleurs, on n'est pas du tout en bord de mer, mais bon, c'est la Bretagne. Oui, bon, c'est à côté. Regarde, tu vois, si on regarde sur Google Maps, on voit qu'il y a une sorte de petite flaque d'eau là, qui relie à la Ouais, mer, ça compte. oui, c'est ça. Voilà. Vraiment, on est les pires, hein, les pires. Donc voilà, c'était le Pénard BD, le 12 et 13 mars à Quimper. Et enfin, plus proche de chez nous, on n'a pas la mer, mais on a quand même les bateaux. Ça sera le 23 avril et le 24 avril à Colmar pour la 18e édition du Festival BD de Colmar. Donc ça sera un festival qui sera spécialisé sur les petits auteurs, ainsi qu'une exposition Oh. sur ce qu'ont fait les grands auteurs. Donc voilà, alors Colmar, c'est dans le Haut-Rhin, et c'est le seul truc que j'ai Quid des trouvé. moyens auteurs? Pardon? Quid des moyens auteurs? Les moyens auteurs, ben tu sais, c'est comme tout, hein, dans la vie, on veut savoir qui a couru le plus vite, qui a couru le moins vite, mais ceux qui courent dans la moyenne, on s'en fout un peu. Enfin, je plaisante Putain, évidemment. c'est vrai. Je plaisante, je plaisante. Mais voilà. Fréquence BD! Pas de nouvelles pour. Ça Villers, hein, Villers-les-Nancy, donc. Une exposition qui se fait dans un château, il me semble. Alors là, Merci, mais c'est terrible, hein. je veux dire au centre des étrennes, des écrennes. Villers-les-Nancy, voilà. C'est ça. Normalement, il y a un festival du bouquin qui fait chaque année à Villers-les-Nancy. On n'a toujours pas d'infos cette année. Déjà que l'an dernier, ça a été très compliqué. Donc on espère qu'il sera là. En plus, c'est dommage, ils Mais avaient préparé une exposition sur Lorraine Cœur d'Acier qu'on vous parlera plus tard. c'est notre camarade Jérémy qui en avait parlé lors de la première émission de Fréquence BD. Sérieux, il en avait parlé à la première émission? Bah, je crois, oui. Puis il faudra qu'on réécoute ça, mais notre camarade Jérémy qui va bien, j'espère. Il est porté disparu. C'est terrible. On ne le retrouvera pas. Enfin, si vous le retrouvez, dites-le nous. Trêve de plaisanterie. À moins que tu aies d'autres événements, on va peut-être écouter quelque chose. J'en ai pas. Eh bien, alors, on va écouter quelque chose que tu nous as proposé. Sfinkel, du groupe Sfinkel. Alors par contre, le titre, comment ça se prononce? C'est le titre, pour dire aux gens, c'est CPCQJVLS. Ouais. Et en fait, je pense qu'on peut le dire, c'est pas ce que je voulais, puisque c'est le refrain de la chanson. D'accord, moi je pensais que c'était un chiffre romain, donc depuis tout à l'heure j'étais en train de réfléchir. Même pas. Donc on va écouter « C'est pas ce que je voulais » de Sfinkel. C'est très étrange à dire comme phrase. Ce qui nous dit que l'alcool pour la fête c'est bien, mais trop c'est triste. J'ai l'impression que c'est exactement le même thème que la route du rhum. C'est vraiment les bonnes chansons pour s'ambiancer. C'est le nouvel an. C'est ça, c'est pour le nouvel an. Enfin bref, c'est pas ce que je voulais tout de suite sur Fadjet. Je ferais mieux d'arrêter. Rentrer à l'hôtel avec cette fille. Je t'explique, écoute, je voulais pas ramener cette fille. Le chiffre 7 7 7, même si c'est vrai que c'est le vraiment le pana. C'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je voulais. Si j'ai bu tout ça, si j'ai pris tout ça, si j'ai fait tout ça, t'es sûr que c'était vraiment moi? C'est parce que je pouvais. Ah ouais, si si, j'en ai encore trop pris. Maintenant je me sens mal parce que je me sens bien, parce que je me sens mal, parce que je me sens bien. En vrai je me sens seul, en vrai je me sens sale. Oh. Et je suis à la masse, je suis à la ramasse, banane à ramasse. Ah ah. On vit à l'arrache, on boit à la russe, on vide la carafe. On fait le taf, fais mieux d'arrêter, ouais. Avant qu'on ramasse à la petite cuillère. Mais à quoi ça sert? Je me rappelle à peine de la cuite d'hier. J'ai du mal à parler, j'ai du mal à voir. J'en ai encore trop pris. Non mais là, qu'est-ce qu'il dit? Fais mieux d'arrêter, avant qu'on ramasse à la petite. Non mais ça, tu viens de le mettre, mec. J'arriverai jamais à m'en remettre, merde. J'en ai encore trop pris, j'en ai encore trop pris. J'en ai encore trop pris, j'en ai encore trop pris. C'est parce que je voulais, c'est parce que je voulais, c'est parce que je voulais, c'est parce que je voulais, c'est parce que je voulais, c'est parce que je voulais, c'est parce que je voulais, j'ai aucune volonté. Ils en ont trop pris, ils en ont trop dit. C'est parce que je voulais supporter des zombies. Vas-y mon poulet, rappelle Albany. J'avais arrêté le truc, j'avais arrêté le machin. Ils m'ont parlé, parlé de tout et de rien. Jusqu'au petit matin, je me flagelle, bat tout fragile, en judéo, crétin j'excelle. Je me balance des bons points, jamais sur la balance, ça me pèse l'embonpoint. Je vais le dimanche au bureau de vote, pour je ne sais qui, pour je ne sais quoi. On se retrouve avec la gueule de bois. Non mais t'as vu le résultat? C'est parce que je voulais. C'est qui celui-ci? C'est quoi cet Audi? C'est ici la meilleure after de Paris. Vous m'avez dit on a de quoi droguer, et vous me balancez des assiettes de quai. Je ne conjugue qu'à l'imparfait. Désormais faudrait qu'on en finisse. Ce que je veux, tu ne le pouvais. Personne n'a fait pour qu'on réussisse. J'en ai encore trop pris, j'en ai encore trop pris. J'en ai encore trop pris, j'en ai encore trop pris. C'est parce que je voulais, c'est parce que je voulais, c'est parce que je voulais, c'est parce que je voulais, c'est parce que je voulais, c'est parce que je voulais. Donne-moi ça, c'est à moi. Rien à foutre de ce que tu veux pas. Check check show, check check show. C'est de la cocoune, c'est de la meca. Croyais pouvoir m'en sortir, mais c'est dead. On a réembrayé, donc c'est dead. Croyais pouvoir m'en sortir, mais c'est dead. Maintenant je vais vraiment crever de cette merde. C'est parce que je voulais bousiller ma vie. Aujourd'hui je me suicide ou bien je prends un peu tri. Depuis plus de 20 ans, dépression drive de ma vie. Et putain, c'est pas demain que je vais retrouver ma souffle. Je te la vais bien dit, faut pas faire comme moi. Je suis un martien, t'es un humain, donc ça ne marche pas. J'en ai encore trop pris, putain, c'est l'enfer. C'est pas ce que je voulais, mais c'est tout ce que j'ai fait. J'en ai encore trop pris, j'en ai encore trop pris. J'en ai encore trop pris, j'en ai encore trop pris. C'est parce que je voulais, c'est parce que je voulais, c'est parce que je voulais, c'est parce que je voulais, c'est parce que je voulais. Des bulles, de la radio et un tas de bonnes choses. C'est Fréquence BD et ça reprend tout de suite. Vous êtes de retour sur Fréquence BD, votre émission sur la bande dessinée. C'était C'est pas ce que je voulais du groupe Sfinkel. J'espère que ça vous a plu. J'ai trouvé ça très particulier. Pourquoi tu rigoles? Non, alors, avec Gabriel, on réfléchissait. Et en fait, comme on vous l'avait promis, j'ai une petite sélection de bandes dessinées qui parlent de la région, parce que la région c'est bien, la région c'est important, et surtout, avoir des auteurs qui parlent de nous, ça nous fait plaisir au fond de notre petit cœur. Et c'est pour ça que j'ai à côté de moi, j'en ai deux, parce que bah, j'en ai que deux hélas, mais je sais qu'il y en a plus, deux BD qui parlent d'événements qui se sont passés pas loin de chez nous. Le premier, on en parlait tout à l'heure, c'est Lorraine, Cœur d'Acier, de Vincent Bailly et de Tristan Thil. Ça te dit quelque chose, Lorraine, Cœur d'Acier ? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une BD qui retrace l'aventure qui a été la radio Lorraine, Cœur d'Acier à l'occasion d'une grève dans la cité d'Angers Lorraine. Oui, à Longwy. En 79. C'est ça, de 79 à 81, donc c'est une radio pirate qui était le porte-parole de la voix des ouvriers, parce que tout a commencé avec des usines qui voulaient fermer, parce que ça commence toujours comme ça, une histoire. Et finalement... Surtout en Lorraine. Bref, ils voulaient, pour vous faire le résumé, ils voulaient fermer une usine, vu que toute la ville vivait grâce à l'usine, les mecs sont pas contents, ils se foutent en grève, il y a un type qui savait manipuler les ondes, il crée une radio pirate, et c'est là où défilaient, jusqu'à parfois très tard le soir, des gens qui donnaient leur avis sur tout et n'importe quoi, sur même des sujets de société qui n'avaient rien à voir avec les usines, mais c'est une radio qui a permis à énormément de gens de se faire entendre, tellement entendre que les CRS sont venus refoutre de l'ordre dans tout ça, en détruisant, je crois même en brûlant le studio radio, et en faisant des descentes de police régulières. Donc voilà, c'est une BD qui est pas très loin de chez nous, hein, Longwy, hein, Nancy, Longwy, et qui est vachement, vachement bien documentée, parce que, je réouvre pour pas dire de bêtises, ouais, je le fais sous vos yeux, vous entendez même les feuilles. À la fin, il y a tout un historique avec des dates sur les différents événements qui sont narrés dans le bouquin et qui expliquent la genèse de cette radio pirate et les impacts que ça a eu aujourd'hui sur la libération de la parole des ouvriers. T'as quelque chose à rajouter ? Non, si ce n'est que moi, ça me rappelle toujours le début de la BD L'Autoroute du Soleil de Baru. Je sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose, rappelle-moi ce que c'est. C'est une BD où t'es dans les années 80 et tu suis, alors je le souviens plus très bien, mais deux types poursuivis par une espèce de mafieux. Ouais. Et le début de l'histoire en fait commence en Lorraine, enfin d'où l'autoroute du soleil, hein, puisqu'ils partent de Lorraine pour aller dans le sud. Ça commence par l'explosion d'une centrale sidérurgique, un grand fourneau. C'est vrai, ça me souvient. C'est spécial à Lorraine, quoi. Je m'en souviens, parce que c'est vrai que la route du soleil, c'est pas du sud vers la Lorraine. Mais non. Ce serait plutôt la route du froid ou la route du gris, je ne sais pas. Ouais, ou de la Mirabelle. Oui, c'est vrai, c'est plus joli, route de la Mirabelle, tu vois, ça fait plus vacances. Des petites vaches. Les petites vaches, c'est plutôt en Corrèze. Hein. Ouais. Et enfin, je voulais également parler, alors ça je ne l'ai pas encore lu, c'est ma maman qui me l'a donné, elle m'a dit « Ah, c'est trop bien, c'est trop bien ». Mais le problème, c'est que ma maman, elle m'a passé d'autres bouquins qui m'a dit « Ah, c'est trop bien, c'est trop bien ». Ce qui fait que j'ai 10 bouquins sur le bord de ma table de chevet. Mais je vous en parlais quand même. Ça s'appelle « L'Alsace déracinée ». Bon, même si je ne l'ai pas lu, je me suis quand même renseigné pour ne pas dire n'importe quoi. Hein. Donc « L'Alsace déracinée », c'est de Charlie Dame, Jean-Marie Cuisin et de Carlos Valdera. Et en fait, ça va nous parler d'un événement plutôt triste. Parce qu'en fait, ça va nous parler des Alsaciens qui ont dû se barrer quand les nazis sont arrivés en Alsace. Vous savez, on leur a dit « soit tu restes, soit tu pars ». Donc ça va raconter l'exode de ces Alsaciens qui ont dû se démerder pour se barrer, quoi, tout simplement. Et en fait, on suit l'histoire d'une dame qui nous raconte l'histoire un peu comme si elle nous racontait ses souvenirs. Donc voilà, c'est vachement intéressant. Et puis c'est vrai que quand on a des récits de Seconde Guerre mondiale, on va souvent parler de la déportation... entre autres des juifs et de toute la panoplie qu'ils aimaient pas. On va surtout parler des affrontements, mais je trouve que le sujet des Alsaciens qui ont dû se barrer chez eux et choisir un camp, c'est un sujet que j'ai pas trop vu encore, je sais pas pour toi. Ouais, non, c'est vrai. Hein. Merci beaucoup. On parle souvent, des malgré nous. C'est ça, donc ouais. C'était les soldats, hein, c'est bien ça. Hein. C'est ça, qui était enrôlé dans l'armée allemande. Et des civils, de l'immigration finalement alsacienne en France, on n'en parle jamais. Alors que l'immigration, c'est ça. Donc voilà, bon, il y a eu aussi la Moselle, il me semble. Hein. Mais là, voilà, on se concentre uniquement sur l'Alsace. Voilà un petit récit qui sonne bon, la joie et la bonne humeur, évidemment, c'est faux. Fréquence BD. Alors toi, tu voulais parler de quelque chose. On était un peu dans le thème, tu voulais nous parler de vin, il me semble. Alors oui, mais d'abord, pendant que tu parlais, je me suis dit, mais en fait, oui, j'ai une BD sur la Lorraine, qui concerne part importante même de la Lorraine. Quoi donc? C'était Georges de la Tour. Georges de la Tour. Mais oui, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a fait plein de super tableaux. Ouais. Bah, comme ça, j'ai pas de nom en tête. Et il y a eu une BD sur lui, notamment. D'accord. Alors, l'anecdote veut que je l'avais acheté dans le musée Georges de la Tour, qui est dans un petit village. Exactement où. Mais voilà. Et donc, la BD est vraiment pas mal. Elle raconte donc l'histoire un petit peu de Georges de la Tour au moment où il a quitté Lunéville pour s'installer à Nancy. Au moment où Lunéville a été envahie. Et donc voilà, tu suis un petit peu ses réflexions artistiques, ses rapports avec sa famille, et ses deux, Liane et Laurence Lacroix. D'accord. Glénat. Donc sur... la série Grand Peintre. Sur, rappelle-nous le nom. Sur Georges de la Tour. D'accord. Et bien justement, vu que tu nous parles de peintre, ça me rappelle quelque chose. C'est à Vic-sur-Seille, le musée Georges de la Tour. Voilà, je viens de faire la vérification. D'accord, donc Vic-sur-Seille. Alors, ça... Vic-sur-Seille. Alors, justement... Et Liane, attends. Il est lancé. L'auteur Liane a un point commun avec toi, puisqu'il est né à Dombasle. Alors, je ne suis pas né à Dombasle. Mauvaise pioche. Eh ben, super. Je suis né à Nancy, comme... Oui. Bah oui, parce que la maternité de Dombasle n'existait plus quand je suis né, hélas. Oui, t'es pas né en 1965. Non, même si on dit que je suis vieux. Enfin bref, tout ça pour dire que vu que je suis né à Nancy, ça me fait une très bonne transition. Parce que tu connais le célèbre peintre Émile Friant. Oui. Émile Friant, hein, qui a quasiment un étage rien que pour lui au musée des Beaux-Arts, place Stanislas. Et ben en fait, il se trouve qu'une fois, je m'ennuie un peu, et je suis allé à l'exposition de Émile Friant, qui était organisé, je sais plus en quelle année, 2015 peut-être. Et en fait, donc il y avait tous ses tableaux, ses recherches, ses croquis, etc. Mais également, il avait fait une sorte de tableau qui était une sorte de prémisse de la bande dessinée. Hein, pour rappel, Émile Friant, c'est 19e siècle. Et en fait, il avait... Or, c'était en trois cases. C'était un type qui rentrait dans un magasin. Alors, là, c'est vraiment de la mémoire, parce que j'arrive pas... J'ai jamais réussi à retrouver sur Google. C'est un type qui rentre dans un magasin et il achète un seau. Et en fait, c'est un seau de mélasse et il se fait avoir. Enfin, c'est une bêtise comme ça. D'accord. Et c'était vraiment très, très simplifié. Tu sais, c'était un peu les bonhommes bâtons, style caricature de De Gaulle, mai 68, tu vois. Et ouais, c'est des grosses références. Hein. Et voilà. Et donc, il avait fait un peu de bande dessinée comme ça. D'accord. Et jamais j'ai réussi à la retrouver. Donc, si parmi vous qui écoutez, auditeurs, vous vous souvenez de cette bande dessinée d'Émile Friant, je serais ravi que vous me le transmettiez, que ce soit par l'adresse mail de Fadjet ou même directement sur le compte Instagram de Fréquence BD. Je serais très heureux, vous dites, pour Benjamin, et vu qu'ils me connaissent, ils vont dire qu'est-ce que c'est de cette bêtise encore, et je serai au courant. Et donc, toi, Gabriel, tu voulais nous parler de vin. Oui, mais ce sera pour une prochaine fois. D'accord, très bien. Parce que tu m'avais dit que... T'avais vu pas mal de bandes dessinées sur le vin, ça t'avait intrigué, c'est ça? Oui, j'étais frappé, alors notamment en cette fin d'année avec les gens qui faisaient leurs courses de Noël. Il y avait beaucoup de mise en avant, parce que ça fait un cadeau sympathique. Et je dois dire, bon, t'es sûr qu'il plaît, si la personne aime le vin, paf, tu lui offres une BD sur le vin. A priori, c'est facile. Mais c'est vrai que... Ouais, j'ai remarqué sur un site qu'il y en avait une bonne vingtaine, quoi. D'accord, est-ce que tu penses qu'il y en a pour un type, chaque type de vin, ça serait marrant ça? Tu t'invites avec du rosé, t'achètes la BD sur le vin rosé. Moi j'aimerais que ça soit pareil pour les escargots. J'aime les escargots, je veux qu'on m'offre une BD sur la recette des escargots. Là je pense que c'est même plus que ça, c'est en fonction du public. Parce qu'elle concerne tout le vin. Mais il y en a une qui a l'air d'être une bonne comédie, tu vois, il y a les fondus du vin. Donc classique. Ah ouais. Comme les...

et de la Savoie ne valent pas la peine de faire un bouquin indifféremment, je ne sais pas. Et Nous ne prononcerons pas. Dans tous les cas, vu qu'à chaque fois c'est signé Cazeneuve, et que ce mec chez Bambou, il est sur tous les bouquins, je me demande si c'est un être humain, ou si c'est un pseudo qui se transmet entre écrivains chez eux. Donc, je vous le dis, en ce début d'année 2022, je ferai tout mon possible pour avoir Cazeneuve dans cette émission, qui est un grand nom Cazeneuve. De chez Bambou. Cazeneuve. On va enquêter. Voilà, on va enquêter, Fréquence BD sur le coup, sur d'où ça vient. Parce que bon, les fondus de la bière, du whisky, et cette fois, c'est pas une blague. Alors, j'ai déjà trouvé. T'as trouvé quoi? Qui était Christophe Cazeneuve. Alors, qui c'est? Est-ce que c'est un être humain, déjà? C'est un être humain qui a 52 ans. C'est pas possible, il fait trop de choses pour... C'est tout à fait bien portant. on mènera une meilleure enquête. Dans tous les cas, c'est la fin de notre émission, Gabriel. Ah là là. Et oui, première de l'année. La première de l'année, la première de 2022, la première tout court. Mais voilà, donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cette rentrée 2022. La rediffusion de cette émission sera disponible évidemment sur Fadjet, normalement juste après, une fois que ça sera fini, vous la retrouverez normalement le soir même sur la page Fréquence BD sur le site de Fadjet, et sinon quelques jours après sur la chaîne YouTube Fréquence BD, le temps que je monte tout ça, bref, tranquille, normal quoi. Et puis voilà, et puis la semaine prochaine, si tout se passe bien, nous serons peut-être tous ensemble et on parlera probablement de cuisine. Peut-être qu'on aura des nouvelles sur l'affaire Cazeneuve. Vous serez tenu au courant. J'ai tout dit, Gabriel ? Je pense. Voilà, et aussi si vous avez des informations sur la BD d'Émile Friant, n'hésitez pas à vous faire savoir. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée sur Fadjet. Et puis on se retrouve. Attendez. On se retrouve le 4 février, si tout se passe bien, voilà, si on n'a pas d'autres problèmes. Salut. Salut. Ne pleure pas, Billy. Fréquence BD revient le mois prochain, avec toujours plus de BD, des invités encore plus puissants, et des animateurs toujours aussi... Amateurs ? Excentriques, Billy. Et c'est tous les premiers vendredis du mois.